Je t'aime. Comment je vais faire? Je peux plus. Je peux chier, je peux relever ma tête. Je pense qu'il se passe. Je n'arrive pas à m'en débarrasser de ce merde. Putain. Comment je vais faire? Je me vais céder, je crois. Putain. La première fois que j'ai goûté, j'avais combien? 15 ans, pas plus. Un soir d'hiver dans ma chambre, je l'ai vu et j'ai pas pu résister, c'était plus fort que moi. Je sais pas comment vous dire, je devais le faire pour plus entendre cette voix. Je vais pas vous mentir, je suis pas là pour ça, mais j'avais déjà que cette drogue allait me nuire. J'hésitais longuement avant de me lancer, même possible de dormir, je me rappelle encore, j'étais comme possédé. J'avais très bien que ça allait changer ma vie. Je voulais pas craquer, j'essayais de me faire changer d'avis. J'avais tout ce qu'il fallait pour le faire, mais je voulais être fort, que ma mère soit fière, ne pas cacher ses efforts. Elle s'est tenue tellement que je suis bon à l'école. J'ai voulu me battre jusqu'au bout pour pas finir dans les cordes. La tentation monte de plus en plus. Mes collègues m'avaient dit c'est dur en plus. Malgré tout ça, je me sens prêt. Je vous en prie, m'en voulez pas, c'est pour ma santé. Je voulais m'initier aussi. Y'en avait partout dans la rue, c'était la mode ici. Je m'assois devant mon bureau, je gamberge et je refais le monde avec des scies. Je rêvais de développer un sens. C'est parfait, cette drogue y participe. Un stylo dans les mains, une feuille blanche. Je gratte mon premier couplet et je me sens bien. J'aime voir couler l'encre, l'impression de me vider de ces pensées qui me hantent. Je me sens bien, à chaque lettre écrite plus léger. À ce moment j'ai su que jamais je m'en passerai. Ça fait 12 ans que je suis accro. Aidez-moi, je peux plus écrire un mot. Depuis cette première fois, toujours j'ai plus la force. J'essayais d'arrêter, mais je trouve pas la foi. Je relève plus la tête et je bombe plus le torse. Je pourrais même pas vous dire combien j'ai vu de textes. Ça me range de plus en plus. J'essaye de passer l'éponge, mais y'a toujours une trace qui s'incruste. Pendant un temps, j'ai pu diminuer, mais comment diluer le mal que j'ai dedans? Ça me fait tellement de bien de partager. Je suis grand, mais sur scène, tu es ce gosse qui se sent aimé. Le rap m'a cour de récré. Vous pouvez me punir de stylo, j'écris dans ma tête, je peux pas arrêter. Je veux encore monter de niveau, atteindre le sommet. Pourquoi ne pas continuer si ça le vaut? Je laisserai peut-être ma santé, je perdrai peut-être mes amis, mais au moins je verrai qui sont les vrais. Tu sais, y'en a plus beaucoup. La plupart te passent une corde et attendent que tu te la mettes autour du cou. Moi je suis plus fort que ça. Ceux qui me connaissent vraiment savent très bien que j'irai au bout. Un stylo dans les mains, une feuille blanche. Je gratte mon premier couplet et je me sens bien. J'aime voir couler l'encre, l'impression de me vider de ces pensées qui me hantent. Je me sens bien, à chaque lettre écrite plus léger. À ce moment j'ai su que jamais je m'en passerai. Ça fait 12 ans que je suis accro. Aidez-moi, je veux plus écrire un mot.